96.2. La FM en couleur. Et sur la FM en couleur, il est très exactement 13h et largement 2 minutes. Michel avec vous jusqu'à 15h30, comme chaque dimanche, provisoirement. Raison du déconfinement, reconfinement, etc., etc. J'en pensais des meilleurs. C'est l'accordéon de région et l'accordéon tout court, l'accordéon musette, bien sûr. Et vous pouvez m'appeler à partir du prochain morceau. Ah oui, ça bagaille de temps en temps. C'est l'âge qui fait ça. On écoute tout d'abord de l'accordéon des régions, la femme du petit fermier, décidément, la femme du petit fermier, non pas la ferme de la petite femme, la femme du petit fermier par Daniel Dorgère. Une bonne personne, il ne fait point la fière, c'est elle la patronne, une bonne grosse fermière, comme une poule elle chante, en chargeant le fumier, elle n'est point feignante, la femme du petit fermier. Elle se bouge tout le temps, il y a de l'ouvrage à faire, faut tirer les vaches, changer leur litière, elle prépare la soupe pour son petit fermier, qui roule en tracteur, ou cul dans le cellier. C'est une bonne personne, qui ne fait point la fière, c'est elle la patronne, une bonne grosse fermière, comme une poulaire chante, en chargeant le fumier, elle n'est point feignante, la femme du petit fermier. Depuis quelque temps, elle est plus pareille, elle soigne en chantant les poules et les treilles. Quand il y a dans le grenier du foin à descendre, elle chante à tue-tête des chansons de boys band. C'est une bonne personne qui ne fait point la fière, c'est elle la patronne, une bonne grosse fermière. Comme une poule elle chante en chargeant le fumier, elle n'est point feignante, la femme du petit fermier. À la salle des fêtes, pour être bien dans le coup, pas comme une vieille bique, elle se parfume partout, fait de l'aérobic. C'est une bonne personne qui ne fait point la fière, c'est elle la patronne, une bonne grosse fermière, comme une poule elle chante en chargeant le fumier, elle n'est point feignante, la femme du petit fermier. Quand vient le printemps, elle tape son fermier, qui lui souvent la main au panier. Quelquefois elle se laisse prendre si elle est trop pressée, mais sitôt elle demande à se faire confesser. C'est une bonne personne qui ne fait point la fière, c'est elle la patronne, une bonne grosse fermière, comme une poule elle chante en chargeant le fumier, elle n'est point feignante, la femme du petit fermier. C'est une bonne personne qui ne fait point la fière, c'est elle la patronne, une bonne grosse fermière, comme une poule elle chante en chargeant le fumier, elle n'est point feignante, la femme du petit fermier. Moi j'aime bien la patronne, mais je préfère encore mieux la bonne. La patronne elle est sous, la bonne elle a des sous. Enfin, faut voir. Ouais, faut voir. Mais faut point faire le difficile à cause de ses picaillons, et c'est ça la meilleure des raisons. Moi j'aime bien la patronne, mais je préfère encore mieux la bonne. La bonne est fraîche comme tout, mais la patronne a les sous. Puis qu'elle est devenue veuve, elle est quasiment passé, elle voudrait ben le remplacer. Mais je me dis qu'après tout, vaut mieux ça que rien du tout. La patronne a des moustaches, des seins gros comme des petites vaches et des tout petits yeux de cochon. Mais faut point faire le difficile à cause de ses picaillons, et c'est ça la meilleure des raisons. Moi j'aime bien la patronne, mais j'aime bien aussi les vaches. J'adore aussi la bonne, avec son visage plein de taches. Elle ne se fait pas trop prier pour me rejoindre dans le grenier. Et on se couche dans la paille, tant pis pour le travail. Mais je me dis qu'après tout, je suis goubi, j'ai rien du tout. Continue avec une dédicace et de la part de Simone pour tous ses amis d'été dansant, de l'accordéon bien sûr. Et pour mamie Geneviève et pour l'animateur, merci Simone. Et puis restez bien au chaud, parce que maintenant il fait chaud intérieur. Et il fait frais, enfin il fait frais, température normale extérieure, mais les murs sont encore chauds. Comme on disait du temps de mes grands-parents, la chaleur est rentrée dans les murs, voilà. Et on continue donc avec une dédicace, c'est la Chez Claudette, une valse par Sylvie Pulès, qu'on écoute maintenant. C'est pas ça. J'adore quand les albums, quand les CD sont imprimés, sont mal imprimés. Et en fait, c'est pas chez Claudette qui passe, mais je sais pas. Je rectifierai tout à l'heure.

élégante, tu fais tourner les moulins. Cavalière, si légère, tu éclaires tous mes matins. Limousine, tu trottines et tu joues de tes atouts. Arlequine, cabotine, j'en oublie mes rendez-vous. Toi la ronde, corésienne, musicienne, tu es mienne. Toi la ronde, corésienne, moi je chante ton refrain. Quand tu danses, en cadence, tu fais tourner bien des cœurs. Quand tu chantes, tu m'enchantes, et tu es tout mon bonheur. Bien voilà, j'ai retrouvé Claudette, Claudette interprétée par Sylvie Pulez, donc demandée de la part de Simone, pour ses amis de l'accordéon, des têtes dansant, pour Mamie Geneviève, et pour l'animateur, merci Simone. Et je disais tout à l'heure, reste bien au chaud entre vos murs. Voilà, vous attrapez froid dehors. Je plaisante, mais ça fait rien, c'est d'habitude. On écoute donc chez Claudette. Alors à cette occasion, je salue, J'embrasse de loin Claudette, que j'ai bien connue, l'ancienne standardiste, pardon, de Vague FM à Artenay. Voilà. Si elle m'écoute. On écoute donc Sylvie Pulez. Chaque jour est un jour de fête avec rebelle et l'accordéon. Dans un tango, les yeux dans les yeux, on se comprend sans faire d'aveu. Et quand plus tard, chez Claudette, on fermera les volets, on partira de sa guinguette avec au cœur un peu de regret. Chez Claudette, c'est de rigueur pour nous tous. Chacun veut lui compter fleurette, mais elle s'enfuit dans un guet froufrou. Ses filles nous servent d'aligot dans un fait tout bien gardé au chaud. Et la soirée chez Claudette s'achèvera en gaieté avec des rats cabrette tout parfumé aux fleurs de l'été. on continue en musique, bien sûr, jusqu'à 15h30, comme chaque dimanche. On est doucement. Ça marche pas, ça démarre tout seul. C'est quand même triste. Ah, c'est le progrès. On va écouter la sauce au luma par Daniel Dorgère. C'était la sauce au luma, donc Sylvie Pulès. On écoute maintenant la ronde des Corréziens de Paris, et la valse des Corréziens de Paris, pardon, et c'est Christophe Coineau. We'll be right back. valse des Corréziens de Paris, que les filles et les garçons vont danser dans les petits bals du samedi au son de l'accordéon. Si l'on a quelquefois le mal du pays, où peut-on ait le bourdon? C'est la valse des Corréziens de Paris qui remet à plomb. En plein danse, tout le monde la danse, et des vacances, bien sûr, on parlera. Tous ensemble, on se rassemble, qu'on soit de bord, de Chaumeil ou Bujard. C'est la valse des Corréziens de Paris qui entretient l'amitié et vous donne l'espoir de revoir le pays qu'un jour il nous a fallu quitter. C'est la valse des Corréziens de Paris que les filles et les garçons vont danser dans les petits bals du samedi au son de l'accordéon. Si l'on a quelquefois le mal du pays, pour peu qu'on ait le bourdon, c'est la valse des Corréziens de Paris qui remet à plomb. En cadence, tout le monde la danse, et des vacances, bien sûr, on parlera. Tous ensemble, on se rassemble, qu'on soit de bord, de Chaumeil ou Bujard. C'est la valse des Corréziens de Paris qui entretient l'amitié et vous donne l'espoir de revoir le pays qu'un jour il nous a fallu quitter. On continue avec une autre dédicace de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur, merci. Et on va écouter, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur cette fois-ci, la valse des campagnes, Sylvie Plus. Vous portez un message de l'Auvergne et du Berry, de Bretagne à la Provence, vous clamez nos libertés. Comme un bain de jouvence au jardin de notre enfance qui nous fait encore chanter. Paysans et paysages, pour survivre et être heureux. Je crois que Sylvie Plus se fiche de moi complètement. Hein. Vous luttez. Encore une erreur de ligne, bah oui, l'erreur se prolonge. Alors ce serait peut-être le numéro suivant. Bien sûr, on n'existe pas, alors c'est encore pire que tout à l'heure. Bon, ben, on pourra, on rectifiera. Encore une fois, j'espère que ça va s'arrêter là. On continue donc avec... Eh ben voilà, ça doit être ça. Si c'est pas ça, alors là, j'arrête et j'entre chez moi. Hein. danse des campagnes qui tournent dans les balles. De l'Auvergne au vent d'Espagne, on la trouve géniale. Aux quatre coins de la France, elle fait chanter les cœurs. Dans les mariages ou les banquets et les bals de société, elle invite les amoureux et les fiancés. Et qu'on entend l'accordéon qui se met au diapason, on ressent comme un frisson. Après le dur travail des champs, ce qu'il faut aux paysans, pour oublier la fatigue et prendre du bon temps. C'est un petit air familier que l'on aime fredonner dans la douceur de l'été. Faut pas vous étonner. On s'envole et on s'élance. Ça, c'est du vrai bonheur. C'est du soleil, plein les oreilles. La samba des Monindières, et c'est Christophe Coineau. Serré dans mes bras, en avant, en arrière, c'est la samba des Monindières. Allons-y, plein d'entrain, c'est la samba des Limousins. Un baiser, ma jolie, pour faire passer notre envie. Un baiser, ce n'est rien, mais ça nous fait un si grand bien. Lorsque tu me dis je t'aime, je trouve ça merveilleux. Lorsque tu me dis je t'aime, je vois s'entrouvrir les cieux. En avant, en arrière, c'est la samba des Monindières. Allons-y, plein d'entrain, c'est la samba des Limousins. C'est la samba des Monindières. Allons-y, plein d'entrain. C'est la samba des Limousins. Un baiser, ma jolie, pour faire passer notre envie. Un baiser, ce n'est rien, mais ça nous fait un si grand bien. Lorsque tu me dis je t'aime, je trouve ça merveilleux. Lorsque tu me dis je t'aime, je vois s'entrouvrir les yeux. En avant, en arrière, c'est la samba des monédières. Allons-y, plein d'entrain, c'est la samba des limousins. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel, on continue avec Michel Privot et ce sera un petit bonhomme en mousse. Alors c'est décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas si c'est moi ou c'est pareil. Alors Michel Privot, on va donc inverser. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Si ça va pas, je reste là toute la nuit. et j'allais chez mamie. J'avais un an et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie, peinard dans ma poussette, lui faire de gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez mamie, peinard dans ma poussette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. J'avais 5 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. J'avais 5 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie à fond la patinette, lui faire de gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez mamie à fond la patinette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. J'avais 8 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. J'avais 8 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie en patin à roulette, lui faire de gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez mamie en patin à roulette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. J'avais 11 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. J'avais 11 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie sur ma planche à roulette, lui faire de gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez mamie sur ma planche à roulette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. J'avais 13 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. J'avais 13 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie cool pour la bicyclette, lui faire de gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez mamie cool pour la bicyclette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. J'avais 16 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. J'avais 16 ans et demi et j'allais chez mamie et j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie speedy à mobilette, lui faire de gros câlins, car elle est gentillette. Et j'allais chez mamie speedy à mobilette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. À 18 ans et demi j'ai passé mon permis pour aller chez mamie. À 18 ans et demi j'ai passé mon permis pour aller chez mamie. Pour aller chez mamie dans mon Opel Cadette, l'autoradio à fond, j'écoutais les cassettes. Pour aller chez mamie dans mon Opel Cadette, l'autoradio à fond, j'écoutais les cassettes. À 19 ans et demi je vais plus chez mamie, je vais plus chez mamie. À 19 ans et demi je vais plus chez mamie, je vais plus chez mamie. Je vais plus chez mamie, je vais voir les minettes, je leur fais de gros câlins, car elles sont gentillettes. Je vais plus chez mamie, je vais voir les minettes, je leur fais de gros câlins, car elles sont gentillettes. Allez, tout le monde tape dans les mains, on y va. C'est parti pourvu que ça dure. Allez. T'es en pleine bourre et t'as la patate. Même si ce soir t'as perdu aux cartes. T'as plein de copains autour de la table. Même si ta chambre est pas très confortable. Tu plais aux manzès, les minots te ballent. Même si ta carte bleue est toute froide. T'as plus une thune pour payer ton taudis. Mais t'as quatre brunes dans le fond de ton lit. Au lieu de gueuler contre ce que t'as pas, chante le refrain que chantait ton papa. Hey, pourvu que ça dure, la belle figure, l'effet que t'as baïole, les soirs sur la Garonne. Tant que t'as de l'eau pour laver la belette, t'as pas les carreaux, au moins t'as la fenêtre. Pourvu que ça dure, la belle aventure, le ciel de Narbonne. Tant que t'as les yeux et le cœur sur la main, c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien. Allez tout le monde. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voilà, c'est bien. Allez, on met ça, c'est parti. Pas de confiture au café le matin. T'as pris l'habitude des tartines au pain. Ta chemise rouge a les trous pleins les manches. T'es presque à la mode, les pauvres c'est tendance. Tu joues de la gratte dans un petit groupe de concert parents. Ça peut pas payer la soupe, mais t'as sans quête de belles mirettes, les cartouches pleines et le fusil qui va avec. Au lieu de gueuler contre ce que t'as pas, chante le chante ton papa. Hey, pourvu que ça dure, la belle figure, les fêtes à Bayonne, les soirs sur la Garonne. Tant que t'as de l'eau pour laver la belette, t'as pas déjà beaucoup mieux que si c'était moi bien. Allez tout le monde. La la la la. Eh bien voilà, on continue. D'accordéon, bien sûr, vous venez d'écouter Michel Pruot. Allez, tout le monde. Que ça dure, silence. Ça ira mieux comme ça. On va écouter maintenant, toujours d'accordéon également. Eh bien, toujours Michel Pruot, parce que je l'ai sous la main. Ah non, c'est pardon, excusez-moi. C'est El Gato Montes par l'orchestre Dominique et Stéphanie Floquier. Que voici. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Tout le monde se marre à la queue. Tout le monde chante à la queue. Tout le monde danse à la queue. Ah ah à la queue. Ah ah à la queue. Ah ah à la queue. Tout le monde s'éclate à la queue. Dans les anniversaires, dans les balles populaires, pour les nouveaux mariés, pour la nouvelle année. Même dans les discothèques, quand on veut faire la fête, il n'y a rien de plus simple, il suffit de danser. Ah, ah, à la queue. Ah, ah, à la queue. Ah, ah, à la queue. Tout le monde s'éclate à la queue. À la queue, tout le monde chahute à la queue, tout le monde s'embrasse à la queue, on fait la fête à la queue. S'amuser dans les clubs en vacances, en Méditerranée, du nord à la Bretagne et du sud à l'Espagne. Il n'y a rien de plus simple, il suffit de danser. Ah ah à la queue. Ah ah à la queue. Ah ah à la queue. Tout le monde s'éclate à la queue. Savez-vous qui a écrit les paroles de la queue leu-leu? C'était bien sûr là Michel Prévost qui jouait, mais qui a écrit les paroles? Ben, c'était Monsieur Guy Lux, et musique de Tempesti. On va faire une petite parenthèse, pour tous les Portugais d'ailleurs, et en particulier pour plaisir personnel d'Eva. On va écouter Luís Godinho. Alors, je prends pas l'accent. Hein. J'essaie de lire. À Flores, Morem de Pena. Et on écoute tout de suite. Luis Godinho et son accordéon piano. offre également ce morceau à mon ami José, s'il est à l'écoute, avec toutes mes amitiés. de chuchón, con pena de sillón, me cuenta la felicidad. Yo no voy a mirar con mujer porque, y no hay mujer que se dé mal, y que se espera de un amor con chévere, y una felicidad que no va a llegar. No va a prever en su corazón, de esa azul que possa brillar. Ai, para os mortos que ainda expulsou, com pena de sillón, me cuenta la felicidad. Voilà enfin le dimanche par Christophe Demerson. Christophe Demerson, qui s'intitule La Samba des Bricoleurs. C'est la samba des bricoleurs, la musique des travailleurs, à Saint-Aubin ou bien ailleurs, ils arrivent avec plein d'ardeur. Un petit problème de plomberie, du papier pas ou du crépi, ne paniquez pas les amis, ils arrivent avec leurs outils, tapez, percez, en dansant la samba, cassez, jouez. Cette musique-là, c'est la samba des bricoleurs, la musique des travailleurs, à Saint-Aubin ou bien ailleurs, ils arrivent avec plein d'ardeur. François pour l'électricité, Nana pour peindre les volets, Jean-Pierre qui pose le parquet, et Jean-Jules pour tout déblayer. Pour vous mettre un peu de chaleur, des bons décors et des couleurs, pour eux ce n'est pas à la peine, car la musique des travailleurs. À Saint-Aubin ou bien ailleurs, ils arrivent avec plein d'ardeur. Un petit problème de te plomber, tu bagues pas ou tu crépilles. T'es paniqué par les amis, ils arrivent avec leurs outils. Tapé, percé, en dansant la samba, cassé, cloué, avec cette musique-là. C'est la samba des tricolores, la musique des travailleurs. À Saint-Aubin ou bien ailleurs, ils arrivent avec plein d'ardeur. Quand ils arrivent sur le chantier, préparez-leur un petit café. Et dès que midi a sonné, la Nicolas tout fait brûler. Pour le boulot, pas de problème, les délais sont bien respectés. Pour bien réussir un chantier, essayez donc de rigoler. Cassé, cloué, avec cette musique-là, c'est la samba des bricoleurs, la musique des travailleurs, à Saint-Aubin ou bien ailleurs, ils arrivent avec la dada. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. La jogues tabouret ou la jogues pas? Et per qui la voulait danser? Mais oui. Et voilà, non dit. C'était une bourrée par Louis Rispal. Ça s'appelait la bourrée à Louis, d'ailleurs, tout simplement. Qu'on a écouté en premier. Et tout de suite, la bourrée des familles. Et on continue avec lui, avec un titre qui s'appelle tout simplement Auvergne. Alors là, il y a une petite erreur. Voilà l'Auvergne. Thank you. 96.2. La FM en couleur. Et on continue avec une dédicace de la part de Paulette de Fleury pour sa voisine Arlette. On écoute Mick Bréhain et ça s'intitule Vieillir. Et c'est le cas, on vieillit. Je crois qu'on vieillit tous les trois, ou au moins tous les deux avec Paulette. C'est bien l'histoire de la vie qu'il racontait. Votre ami Mick Bréhain. Mon ami Mick Bréhain, pardon. Je pense que c'est votre ami vous aussi. On va continuer avec Louis Rispal. Et ce sera La Reine des Prés. Thank you. s'est allié. Les six jolis villages, toujours pleins d'oiseaux et de fleurs, des chemins solitaires et sauvages, ici j'ai trouvé le bonheur. Il s'en allait l'hiver, l'été, pour le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine, il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Oui, tant pis. En son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue.

Attention les gars, en piste pour la deuxième bourrée. C'est Christophe de Merson, il s'appelle la bourrée Tracy. La bourrée Tracy, oui, je dis bien. Et la bourrée du François et de la Maris. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Je vous laisse en compagnie de RDP depuis le Portugal, jusqu'à demain matin. Et on se retrouve quant à nous demain après-midi, 14h, 16h, cocktail coloré. Eh bien voilà, on retourne voir Christophe Demerson. Ce sera bravo au comité des fêtes. Si on n'a pas toujours la pêche, vous êtes là pour nous aider. Chez vous, c'est toujours super chouette. Alors crions bravo au comité des fêtes. L'âme qui est si triste dans ce monde, qu'il faut bien penser à la changer. Il faut s'amuser, se divertir, mais c'est moins facile à faire qu'à dire. Ces gens courageux prennent des risques en faisant venir de grands artistes. Ils passent tout leur temps à réfléchir à ce qui pourrait vous faire plaisir. Bravo au comité des fêtes pour tout ce que vous offrez. Toujours envie de faire la fête avec ce que vous aimez. Si on n'a pas toujours la pêche, vous êtes là pour nous aider. Chez vous, c'est toujours super chouette. Alors crions bravo au comité des fêtes. Moi, je connais une bonne équipe qui aime toujours vous divertir en organisant des jours de fête pour vous faire oublier vos soucis. Poursuivre, à nous amuser, nous faire danser. Bravo au comité des fêtes pour tout ce que vous offrez. Toujours envie de faire la fête avec ce que vous aimez. Si on n'a pas toujours la pêche, vous êtes là pour nous aider. Chez vous, c'est toujours super chouette. Alors crions bravo au comité des fêtes. Avec ce que vous aimez. Si on n'a pas toujours la pêche, vous êtes là pour nous aider. Chez vous, c'est toujours super chouette. Alors crions bravo au comité des fêtes. Chez vous, c'est toujours super chouette. Alors crions bravo au comité des fêtes. Les cabrettes sonnent, Pierre-André. C'est mieux que la Marseillaise. perdrai comme au bon vieux temps. Arc-en-ciel, 14h50, je regarde, c'est plus petit. 14h59, on est ensemble jusqu'à 15h30, donc il nous reste une demi-heure. Ensuite, je vous laisse en compagnie d'RDP, en direct du Portugal. Alors, on va faire un petit point météo, en direct des studios de la chaîne Météo, dans les Yvelines. Je ne me rappelle plus le nom du pays, d'ailleurs, c'est le domaine de Marcinval, mais je n'ai plus le nom du pays, c'est pas grave. Un peu moins qu'il a brillé cette semaine, on a eu quand même chaud. Alors pour demain. Dear neighbor, who listens to the same song on loop all day, who really, really thinks she can sing. On a un petit problème, je ne sais pas où, mais on a un petit problème. Voilà. On recommence tout ou on continue tout. Accompagné par l'orchestre de Daniel Dorgeron. Demain lundi 29 juin. Le matin, éclairci et passage nuageux, risque de quelques gouttes. On en prévoit pas plus de 3 ou 4. Hein. L'après-midi, beau temps, malgré le passage nuageux. Le soir, ciel à moitié nuageux. Et la nuit, ciel à moitié nuageux. Et on revient en arrière. Je peux. Bon. Alors, ordinateur bloqué, comme ça. Bon, on reprendra tout à l'heure. Le soleil doit briller pour tout le monde. Quand on y croit, c'est merveilleux. Pour l'an 2000, sur eh oui, j'ai pas de chance. Votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer. Donc, mise à jour. Dans quelques minutes. Alors, en attendant, on va écouter à nouveau Pierre-André. C'est de ma part pour Anne-Marie à la source, puis Anne-Marie pour moi, évidemment, comme tous les dimanches. Et c'est ça que tu quand Anne-Marie part au champ. Pierre-André. Je ne savais pas que Anne-Marie allait au champ, peut-être au puissant-lit, j'en sais rien. s'organise par au champ. Un matin, tous les gars du village se retournent et font les malins. Une plaisanterie à moi, c'est la Denise, c'est pas une Marie. Pressant le pas sur les chemins, elle dégrafe son corsage pour retrouver l'ami Firmin qui l'aide à finir son ouvrage. Pour la comprendre, la petite, toute la journée, le temps paraît long. Adore son joli cœur palpite quand elle voit passer un garçon. Mais Denise n'est pas très sage, a charmé les gars du village. Dans les champs chez nous, on cueille des fruits mûrs à la fleur de l'âge. C'est pas nouveau, ma grand-mère, qui retenait de sa grand-mère, disait: si on savait tout, ben, dans le village, on serait tous cousins. Rattrape comme de l'autre. Hein. Alors, 20 degrés pour demain après-midi, 12 degrés le matin. Ça change quand même avec la semaine dernière. Ah non, c'est pour aujourd'hui, excusez-moi. Alors, lundi, 21 le matin et l'après-midi, et 15 le matin. Mardi 30, on sera à la moitié de l'année. 23 l'après-midi, 12 le matin. Ça baisse quand même. Hein. Mercredi de la pluie, avec 16 le matin et 25 l'après-midi. De la pluie jeudi, avec 15 le matin, 22 l'après-midi. Vendredi 3, 15 et 23. Samedi 4, 14 et 22. Dimanche 5, dimanche prochain, donc 5 juillet, 16 et 23. Lundi 13 et 24. 15, le mardi 7, pardon. 15 le matin, 27 l'après-midi, on remonte, hein. Mardi 8, 16 le matin, 28 l'après-midi. Jeudi, tant que tout ça fait avec du beau temps. Jeudi, temps couvert. Avec 18 le matin, 29 l'après-midi. Vendredi 10, beau temps avec 16 le matin, 23 l'après-midi. Samedi 11, 12 le matin, 24 l'après-midi. Et enfin dimanche 12, plein soleil avec 13 et 24. Bien même pour 10 secondes, que tout soit rose sous le ciel bleu. Le soleil doit briller pour tout le monde, quand on y croit c'est merveilleux. Pour l'an 2000 sur la boule ronde, promettons-nous de faire bien mieux. Quand ceux de l'Est, enfants d'Afrique ou d'Australie. Et on perd une minute d'ensoleillement chaque jour. Histoire chaque matin chante pour nous. Ce serait bien d'être tous là au rendez-vous. Le soleil doit briller pour tout le monde. Chacun sur terre a le droit d'être heureux. On voudrait bien même pour 10 secondes que tout soit rose sous le ciel bleu. Le soleil doit briller pour chanson de quatre sous, c'est important. On peut parfois bouger l'avenir en chantant. Pourquoi ne pas faire tous ensemble le premier pas, en reprenant à pleine voix ce refrain-là. Le soleil doit briller pour tout le monde. Chacun sur terre a le droit d'être heureux. On voudrait bien même pour 10 secondes que tout soit rose sous le ciel bleu. Le soleil doit briller pour tout le monde. Quand on y croit, c'est merveilleux. Pour l'an 2000 sur la boule ronde, promettons-nous de faire bien mieux. Eh bien voilà, c'était donc un point météo avec la chaîne météo pour le Loiret et pour les jours à venir. C'est la seule d'ailleurs à faire des prévisions sur 5 jours et en général à peu près à 90% juste. J'ai pas d'action à la chaîne météo, ne vous inquiétez pas. On va continuer avec notre ami. Ah non, c'est vrai, j'ai la chanson fétiche. Il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste très exactement 20 minutes. Alors on va écouter la chanson fétiche avec comment s'appelle-t-il? Je suis en train de chercher son nom, ça devient inquiétant. Ça devient même grave. C'est notre ami Pierre-André. Je croyais l'avoir calé. Mais, ah ben si, il est calé. Ben voilà, il n'y a plus qu'à le mettre en route. Robert Mondésière pour la musique et Rejassy pour les paroles. Arrête-toi, voyageur, tu verras le temps des plaisirs, le doux chemin du bonheur. Tu trouveras la chaumière où naquit un troubadour qui nous donna sa lumière avec un refrain d'amour. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des monnaies d'hier, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des monnaies d'hier, c'est l'étoile des troubadours. Parfois elle part un nuage, nous attendons son retour. Nous l'aimons dans le village, notre étoile des troubadours. Je passe ce numéro fétiche du Radio Arc-en-Ciel parce que d'abord sans souvenir d'un ami personnel. Et en plus, c'était un grand monsieur de la musique folklorique. Et en plus, c'est pour vous prouver que beaucoup, beaucoup d'orchestres jouent ce morceau, L'étoile des troubadours, de Robert Monédière, donc, et Rogéci. Alors maintenant, on va écouter Nathalie Bernat. Nathalie Bernat, Parfum des bruyères. Parfum des bruyères, il n'y a pas de son, comment se fait-il là ? On va écouter maintenant trois bourrées successives interprétées par Pierre André, si on a le temps. 15h15, ça va être juste. Ce sera donc la bourrée des montagnes, les sabots, quand les sabots tapent et ma femme n'aime pas. Voilà. Peut-être la bourrée du lapin, je ne sais pas si on aura le temps. On écoute donc Pierre André. Dansons la bourrée des montagnes, dansons la bourrée de l'Auvergne, dansons la bourrée des anciennes. Marie-Lou, tu n'es pas timide, petite, quand la danse recommence. Marie-Lou, tu n'es pas timide, petite, quand tu rentres dans la danse. Marie-Lou, tu n'es pas timide, petite, quand la danse recommence. Marie-Lou, tu n'es pas timide, petite, quand tu rentres dans la danse. Ah, le poutou, le poutou. Alors, Fidèle à la grande tradition des dodécordonistes tels Ségurel, Menedière, moi, Valérie, j'ai proposé à Pierre ma contribution, puisqu'il a toujours payé les siennes lorsque j'étais au pouvoir. Alors, je prends l'accordéon, hein. J'aime l'accordéon, j'aime Anémone, j'aime la bourrée. Allez, on y retourne. Et bien sûr, de tous, on connaît monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Fena n'est même pas l'ogagnou. J'ai dit, je ne sais pas vrai. Amou bela chauchicha. également, toujours Pierre-André, la bourrée du lapin. Les amateurs de bourrée sont servis. Hein. La bourrée du lapin se danse en tapant du pied, la carotte à la main pour sa jolie partenaire. Quand on dit aux danseurs, en place pour la bourrée, ces chauds lapins ont déjà choisi leur cavalière. Tapons du talon, c'est la bourrée des lapines, c'est la tradition quand le printemps nous réveille. Tapons du talon, c'est la bourrée des copines, le soleil d'avril fait refleurir nos épines. Tapons du talon, c'est la bourrée des lapines, c'est la tradition quand le printemps nous réveille. Tapons du talon, c'est la bourrée des copines, le soleil d'avril fait refleurir nos bépines. La dernière bourrée chantée, dansée, jouée cet après-midi pour danser, par Pierre-André. On se quitte dans quelques minutes. Dans 5 minutes. Et je rappelle qu'on se retrouve demain de 14h à 16h pour Cocktail Coloré. Chanson et accordéon, bien sûr. Mon village, ma vie est tranquille, loin du bruit et loin des jaloux. Et les souvenirs du pays qui reviennent à travers le folklore chantent ce soir. Pour oublier les chagrins et les peines, danse Marie la bourrée de l'espoir. Chante ce soir pour oublier les chagrins et les peines. Danse Marie la bourrée de l'espoir. Allez Pierre, une autre buffade. Eh bien, les amateurs de bourrée sont servis. J'espère que vous avez passé un bon après-midi à ma compagnie. Et on se retrouve demain donc à partir de 14h pour 2 heures de cocktail coloré. Et à partir de 16h30, vous avez rendez-vous avec After Work, l'émission hebdomadaire, bi-hebdomadaire, pardon, de Francky. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Tous ceux qui sont partis en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Préservez-vous, portez-vous bien. Et à fort bientôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt. Si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt, il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala. On aura des nuits magiques, des bons jours et des bons soirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour, déjà va. Et des nuits blanches, des départs et des retours. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, et nous nous quittons ce soir. Boneca de Trapos, escrita, composta e acabada de interpretar pela Francisca, que hoje está no palco da rádio com um quarteto que eu gostava que nos apresentasse. Claro que sim. Então, aqui deste meu lado, o Pedro Cruz, no piano. Ali no baixo, o Paulo Sousa. O Luís Freitas, na bateria. E na guitarra, o músico e compositor Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, que teve uma participação muito especial neste disco, já havemos de falar. Para já gostava de trocar consigo algumas impressões sobre a participação de um amigo nosso de longa data, o António Corte Real, músico dos UHF, líder da União das Tribos, que já aqui esteve várias vezes, que foi o produtor deste trabalho. Aparentemente, é uma linha de trabalho que o António Corte Real coerentemente tem seguido ao longo dos anos e que não corre, digamos, ao encontro da linha musical patente neste disco. Conte-me como é que isso aconteceu. Eu conheci o António Corte Real no estúdio aqui em Lisboa e faltava fazer ainda parte do pré-produção. Ele ouviu as músicas, gostou e pronto, e partimos para a Leiria para fazer toda a parte de pré-produção. E ele identificou-se muito com as músicas e pronto, não tirou, não foi, como ele estava num género musical, não é? Ele está noutro género musical do que o nosso, não foi retirar a essência, portanto foi dar brilho às músicas existentes. E como o conseguiu? Um abraço grande para o António Corte Real, que pôs neste disco também o seu talento e acrescentou ao da Francisca. Agora, no palco da rádio, vai abrir-se o palco da vida, com a Francisca, evidentemente. Voz, justiça de inverno.